12-9, observation, santé, partie du corps. Je suis malade. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à l'oreille. J'ai mal au cou. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux dents. Notez l'article défini devant la partie du corps.